Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Cette question a été posée pour la troisième fois aux électeurs de Nouvelle-Calédonie en décembre 2021. Et une fois encore, c'est le non qui l'a emporté. Pour expliquer la complexité de la situation actuelle de ce territoire très éloigné de la métropole, je voudrais vous dire quelques mots sur son histoire. Après Tahiti et les îles Marquises, la Nouvelle-Calédonie a été conquise par les troupes de Napoléon III en 1853, avec l'intention initiale d'y installer une colonie pénitentiaire, comme en Guyane. Le but était de créer, sur ces terres lointaines, une société nouvelle associant des condamnés et des migrants. On pensait à l'époque qu'elle était inhabitée, jusqu'à ce qu'éclatent les premières révoltes prouvant l'existence d'une population indigène. Les villages mélanésiens furent brûlés et leur territoire confisqué. Les Kanaks, jugés inassimilables, furent refoulés et cantonnés sur les terres les plus ingrates. Le décret de juillet 1887, qui généralisa le régime de l'indigénat dans toutes les parties de l'empire colonial, aggrava encore leur situation en établissant toute une série d'infractions spécifiques aux autochtones. La mise en place de l'état civil et la catégorisation de la population en tribus complétèrent un processus d'identification administrative qui facilita les contrôles policiers et la collecte de l'impôt. Au total, les Kanaks furent imposés 10 fois plus que les Européens, sans compter les corvées auxquelles ils étaient régulièrement astreints. Pour pouvoir payer toutes ces charges, ils durent accepter des contrats de travail chez les colons qui bénéficièrent ainsi d'une main-d'œuvre à bon marché. Cantonnement, ségrégation et assujettissement de toute une population, le traitement que la République française fit subir aux Kanaks fut comparable à la politique d'apartheid pratiquée en Afrique du Sud. Catastrophique pour les Mélanésiens, ce système colonial eut également des conséquences terribles pour les Bagnards, issus pour la plupart des classes populaires de l'Hexagone. Les historiens qui ont étudié cette question estiment qu'un tiers des 22 000 condamnés expédiés en Nouvelle-Calédonie entre 1864 et 1897 moururent au bagne. À peine 1 sur 10 s'installa sur un lopin de terre et, parmi ces derniers, seule une petite minorité fit souche. Les Bagnards libérés furent placés au cœur des contradictions du système, car les colons partis librement de France les considéraient comme des parias. Deux sociétés blanches parallèles coexistèrent ainsi au sein d'une population d'origine européenne évaluée à 20 000 personnes en 1914. Le seul facteur d'unité tenait dans un commun rejet des Kanaks qui étaient à l'époque 2 fois plus nombreux. Le code de l'indigénat fut supprimé en 1944, mais le processus de décolonisation fut bloqué en Nouvelle-Calédonie. Après une longue période de troubles et de violences, les accords de Nouméa, signés en 1998, inaugurèrent une période de transition, qui n'est toujours pas achevée, qui permettra peut-être de définir un nouveau statut pour l'archipel au sein de la République française.